maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité explosif, c'est Benjamin Nabé. Il est dans Pantoufle Explosif pour nous parler d'une application à absolument avoir dans nos smartphones. C'est l'application Trippers. Alors, avant qu'on parle de cette appli, alors tu n'étais pas du tout dans l'informatique avant. Pas du tout. Tu étais pharmacien. Voilà, exactement. Tu as géré une pharmacie pendant 7 ans. Exactement, j'en ai eu marre, envie de changer de vie. Alors, et qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de vie? J'en avais un petit peu marre de la grand-mère au comptoir. Donc voilà, j'ai arrêté ce métier-là et l'aventure Trippers est arrivée. Un retour de vacances entre amis à l'aéroport. 45 minutes de queue pour avoir un taxi. Et voilà, donc on a demandé devant, derrière, si quelqu'un voulait le partager avec nous. Oui, alors ton choix. Ça aussi, ça arrive. Voilà. T'étais aux chandelles aussi alors. Pas encore. T'étais dans Sausage Party. Voilà, et donc l'idée est née de ce retour de voyage. Donc à la base, Trippers était une application de partage de taxi au départ des gares et des aéroports. Trippers a beaucoup évolué depuis. Maintenant, c'est une appli qui vous permet de commander un taxi en un clic n'importe où en France. Le taxi arrive avec zéro au compteur, ce qui n'est pas négligeable. Ah, oui. Voilà, fini les 10 balles quand il arrive. Voilà, donc téléchargez Trippers, c'est l'appli indispensable pour tous vos trajets en taxi. C'est gratuit. C'est gratuit, 100% gratuit. Dès le mois de janvier, vous pourrez payer dans l'application également. Ça marche avec tous les taxis de France, quelle que soit leur compagnie. Pas de frais d'approche. Et on a également donc le service de partage de taxi au départ des gares et des aéroports. On vous met en relation avec... en fait, on a créé un algorithme qui vous permet de vous mettre en relation avec quelqu'un avec qui vous êtes sûr de faire une économie sur le trajet du retour. Et en plus de ça, on a négocié avec Aéroports de Paris une expérimentation qui commencera au mois de février et qui permettra d'avoir, pour les gens qui veulent partager un taxi, une file dédiée au niveau de la file taxi à l'aéroport, ce qui fait que vous passerez plus vite si vous partagez. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, tu as créé ça tout seul? Non, on est deux avec mon associé Arnaud qui nous écoute, je pense. Ah, non, pas toi, voilà. Arnaud. Il est sur tous les coups. Dès qu'il y a du pognon. C'est ça. Ah ouais. Il aime la thune. Et voilà, donc Arnaud venait d'un autre milieu également, il travaillait dans la finance avant. Voilà, on est rentrés de vacances tous les deux, on était trois même en vacances. Et voilà, l'idée est née à l'aéroport, à Orly. Alors, et comment les taxis ont réagi à... Ils ont plutôt bien réagi bien. Ils ont bloqué le périph. Opération Escargot. Avec le Uber, les deux. Non, pour l'instant, ils réagissent plutôt bien parce que c'est gratuit. Que ça leur permet d'avoir enfin une application qui va concurrencer justement le grand Uber et les autres VTC. Réellement, ils sont contents du service. Alors, et elle a été lancée quand, cette appli? Donc, cette appli, on a créé la société il y a un an. L'appli est en ligne depuis le mois de juillet. D'accord. Voilà, et ça avance à grands pas. Là, on est dans une phase de levée de fonds pour pouvoir communiquer à grande échelle. Voilà, là, comme je vous le disais, le paiement sera intégré début janvier, ce qui va permettre... de toucher un plus grand public, puisque voilà, une des raisons pour lesquelles les gens vont dans les VTC, c'est qu'ils n'ont pas à sortir d'argent. Ouais, c'est vrai, c'est super pratique ça, effectivement. Donc voilà, l'appli se lance réellement début janvier. Donc ça prend bien là, vous commencez à prendre. On a des courses tous les jours, on est à peu près à 6000 téléchargements, il y a des courses effectuées tous les jours dans les taxis, surtout à Paris pour l'instant, et voilà, ça commence à bien prendre. On va écouter un mini spot qu'on peut retrouver sur votre chaîne YouTube. Exactement. Non, mais les taxis, c'était mieux avant. Hein. Avant quoi? Avant Trippers. Maintenant, avec Trippers, les gens, ils commandent un taxi, ils l'ont tout de suite. Vous vous rendez compte? Il faudrait qu'on vienne quand on nous appelle. On va où, là? Trippers, il y a toujours un taxi disponible immédiatement. Trippers, l'appli des nouveaux taxis. C'est bon, ça? C'est bien vu. C'est bien vu. Alors, vous avez un Facebook, vous avez un Twitter, vous avez un YouTube pour retrouver tout ça. Exactement, on a tout ça. Trippers, voilà, c'est tout simple à chaque fois, c'est Trippers. Oui, Arnaud. Oui, j'ai deux questions. La première, la voix me dit quelque chose. Tu te sois dit un locomédien. Il est encore dans son jeu. Non. C'est pas Burnou ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est ça, exactement. Mais il est fort. Il est formidable. Il a toutes les voix, c'est pas possible. Et la deuxième question, c'est parce que je me pose souvent la question quand quelqu'un crée une application gratuite, comment. Quel est le revenu? Enfin, comment vous faites pour avoir alors, des revenus? Pour l'instant, on n'a pas de revenus, justement. voilà, on n'a pas de revenus. Après, lorsque le paiement va être intégré, si tu payes in-app, on prendra une petite commission au passage. D'accord, donc pour l'instant, tu travailles complètement bénévolement? Pour l'instant, c'est complètement bénévolement, voire même plus, c'est nous qui mettons de l'argent pour... Voilà, on dépense de l'argent pour l'instant. D'accord, ok. Voilà, en espérant que ça prenne rapidement. On, okay, avait, on avait un petit tweet, Léa. Oui, en fait, on a un petit Facebook même. Ah. On a une petite requête. Alors, c'est pas pour notre invité, c'est pour un de nos chroniqueurs. On a Franck Julet, donc on te passe le bonjour, Franck Julet, qui Franck. Demande à Arnaud Laurent s'il pourrait lui faire un petit cri de Natsu. Ah. Le fera à la fin. D'accord. On le fera à la fin. Parce que là, reste en ligne. Je vais casser le micro. Ouais. Il faut mieux pas le faire tout de suite. Il va s'enflammer. Alors moi, je vais rebondir sur ce que disait Arnaud. Comment on crée une appli ? Tu vas voir qui pour créer une appli ? Alors, soit tu as un ami développeur, ce qui n'est pas notre cas. Voilà. Donc ça te coûte un peu cher. Tu vas voir une société voilà, d'informatique, des gens spécialisés. D'accord. À qui tu fais ton brief, tu expliques exactement ce que tu veux. Et puis après, voilà, c'est quelques heures de travail avec eux. Et ensuite, il faut suivre le développement au jour le jour. Voilà, on crée les pages, on crée le design. Et voilà, et eux développent pour nous. D'accord. Et donc eux, c'est toujours eux qui bossent pour toi. C'est pas, au bout d'un moment, c'est pas toi qui prends un peu le truc et qui finis par le faire toi-même. C'est alors, toujours eux qui non, t'es parce obligé que... de passer par eux. Alors, on est obligé de passer par eux parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, en tant que pharmacien, j'ai aucune compétence pour développer une appli. Voilà, l'informatique, c'est très loin de moi. Donc voilà, et à terme, on espère, voilà, en levant des fonds, intégrer des informaticiens dans l'équipe. Alors, Benjamin, reste bien en face du micro. Je sais que tu as très envie de parler à Arnaud parce que tu lui réponds oui, directement. Il me regarde avec ses grands yeux. Réponds-moi, parle-moi. Vas-y, j'en parle. Une question. Donc là, vous faites une levée de fonds. Donc c'est au niveau national. Ça va être au niveau international aussi. Vous avez des partenariats avec d'autres aéroports. Alors dans un second temps, voilà. Là, on a une expérimentation avec Aéroports de Paris. Mm-hmm. Et évidemment, si ça fonctionne, les aéroports sont tous reliés, voilà, dans le monde. Donc on espère que ça s'internationalisera rapidement. Mm-hmm. Voilà. Et pour tout ce qui est maraude électronique, la commande en un clic. En fait, on a un partenariat avec l'État. Le Canada est déjà intéressé par le sujet et la Commission européenne s'y intéresse aussi pour créer une norme au niveau européen pour concurrencer les VTC. Donc on a, voilà. Alors, ce mercredi a eu lieu la cérémonie finale de Tip Top Startup 2016. Oui. Alors comment ça s'est passé cette petite finale ? Comment ça s'est passé ? Pas si mal, on a fini deuxième malheureusement. Ah ouais, quand même. Voilà. Bravo. Ouais, c'est déjà ça, on est content. On n'invite pas des baltringues. Voilà. On remercie Tip Top Startup voilà, pour l'événement. Malheureusement, on est passé à côté du chèque. Mais c'est pas grave. Ça nous a permis de rencontrer du monde et voir même peut-être de potentiels investisseurs, donc on est content. Ça marchait avec des votes, c'est ça ? C'est ça, ça marchait avec des votes. Tout le monde pouvait voter ? Tout le monde pouvait voter, ça s'est passé au Café Oz à Châtelet. Voilà, il y a eu les présentations, petit pitch de 3 minutes de chaque start-up et tous les clients présents pouvaient voter. Voilà. Donc, Et donc, l'appli est disponible sur toutes les plateformes, App Store et Android, ouais. Ok. Dernière question, pour venir dans les studios de Japan FM, t'as utilisé ton appli ? Oui, évidemment. Ah. Évidemment. Et il est là. Donc ça marche. La preuve. Benjamin Nabé était notre invité. Découvrez son appli Trippers sur Facebook, Twitter, YouTube et évidemment en la téléchargeant. Ça sera beaucoup plus simple. Il y a 25 taxis qui sont garés devant. Il faut arrêter les mecs. Jouer avec, c'est pas possible. Merci Benjamin. Merci à vous. On te retrouve. De toute façon, on te retrouve après le deuxième titre de la playlist de Léa. Je l'ai pas noté. C'est ici. DC, je crois. Exactement. Can't Stand Still. Oh là là, AC/DC, quel accent. AC/DC.